La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, dimanche 17 février 2019. Salutations à toutes et tous qui sont des aventuriers des sonorités de l'art sonore. Alors, je vous propose ce soir une rencontre avec deux des quatre musiciens aguerris du quatuor Quasar, Jean-Marc Bouchard et Marie-Chantal Leclerc, qui étaient en résidence de création il y a quelques semaines ici à Québec en compagnie de Sonia Passoroca pour collaborer sur un projet intitulé Ode au métal, un projet dont je vous ai parlé il y a déjà une quinzaine de jours. Ode au métal, c'est un projet installatif composé de matières métalliques auxquelles se sont frottés les cuivres du quatuor Quasar, les saxophones sous la supervision de Sonia. Alors le quatuor Quasar, c'est un ensemble de saxophones composé de Marie-Chantal Leclerc qui habite, souffle dans le saxo soprano, Mathieu Leclerc qui est au saxo alto, André Leroux au ténor et Jean-Marc Bouchard au saxophone baryton. Je me dois de souligner qu'ils œuvrent, ces quatre, dans le domaine de l'expérimentation sonore et musicale depuis 25 ans. C'est dire en très peu de mots combien ils sont passionnés par les sonorités qui font époque. La nôtre, nommée par différents vocables, musique actuelle, musique contemporaine, art sonore, expérimentation de bruits divers. Donc, Quasar se consacre à l'expérimentation sonore et musicale sous des formes multiples. On parle d'improvisation, de dispositifs électroniques, d'instruments inventés, de lutheries inclassables. Seul ou accompagné de créateurs branchés, le quatuor offre au public un programme de création assez unique, puisant aux sources de la composition sonore et musicale du Québec notamment, et parfois de l'étranger. Alors, l'ensemble est lauréat de 6 prix Opus, c'est le moins qu'on puisse dire, décerner ces prix par le Conseil québécois de la musique, donc très belle reconnaissance. Alors, c'est dans avec beaucoup de plaisir que je vous propose ce soir une rencontre avec Jean-Marc Bouchard et Marie-Chantal Leclerc qui nous parlent de leur trajectoire, tout ça autour de leur dernier album intitulé « De souffle et de machine » et du travail mené en résidence, dont... J'en fais donc une brève intro à l'entretien qu'ils m'ont accordé. Chantal Leclerc, Jean-Marc Bouchard du Quatuor Quasar, bienvenue à l'émission. Bonsoir. Merci beaucoup, merci. Jean-Marc, Marie-Chantal, ce que j'ai trouvé à la fois un peu impressionnant tout de même, c'est que c'est une aventure qui dure depuis presque 25 ans. Et j'aimerais ça que vous me racontiez comment ça démarre, comment ça apparaît Quasar dans votre vie. j'imagine peut-être de musicien à l'origine, mais cette rencontre, comment elle se fait? Ben, on est tous allés à la même école. Donc, on s'est connus à l'école. Si on prend les deux plus vieux du groupe, moi et André, on a commencé au cégep à faire du quatuor de saxophone ensemble. À l'université, on a rencontré Marie-Chantal, Mathieu un peu plus tard. Et puis, à chaque mercredi matin, dans le cadre de nos cours, on faisait du quatuor de saxophone. Et comme Marie-Chantal dit, c'est devenu une habitude dont on ne pouvait plus se passer. Et puis, on en a fait un métier, on en a fait une carrière. Il fallait continuer, c'était une nécessité. Oui, en fait, on s'est retrouvés en fait jeunes diplômés et puis la passion était là et puis il n'était pas question, en tout cas pour moi, pour nous, de délaisser ça, cette pratique-là. Et c'est intéressant peut-être de dire aussi que depuis le début, bien sûr, le quatuor s'est développé au fil du temps, mais le focus central, ça a toujours été la musique de création. Donc ça n'a pas changé, bien que ça s'est vraiment développé au fil du temps. Marie-Chantal, Jean-Marc, j'ai envie de proposer aux auditeurs une écoute de votre dernier album, une première pièce, un album qui s'intitule Souffle et Machine. De souffle et de machine. De souffle et de machine. Et je crois qu'on le dit au pluriel, n'est-ce pas? Oui. Et alors, on écoute une première pièce tirée de l'album et puis on poursuit notre rencontre. Thank you. Alors, on vient d'entendre une première pièce de Souffle et de machine, une pièce de Pierre-Alexandre Tremblay. Et Marie-Chantal, tu avais quelque chose à me souffler à l'oreille concernant oui. ça. Oui, en fait, ça a été une belle surprise parce que c'est une pièce qui a gagné le prix Jules Léger de la nouvelle musique de chambre. Alors, c'est intéressant parce que autrefois, c'était un prix qui était plus, en fait, bien sûr pour la musique contemporaine, mais la musique de chambre dans toute sa noblesse, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis là, on voit que même dans des prix comme ça, institutionnels aussi, on voit que ces musiques-là prennent leur place et s'imposent et qu'on reconnaît en fait leur richesse et leur mérite. Donc, c'est intéressant. J'aimerais qu'on en parle de ce projet de Souffle et de machine. Comment il apparaît là, dans votre continuum sonore, musical? Ben, en fait, comment il apparaît? Il est apparu en 2003. À ce moment-là, on parlait la rencontre des instruments et de l'ordinateur. On appelait ça des super instruments. Ça commençait un peu avant ça, mais ça devenait assez populaire, disons. Et puis, on sentait qu'il y avait une tendance. On avait nos premiers ordinateurs portatifs, et puis là, l'ordinateur rentrait dans nos vies vraiment. Et puis, c'est simplement qu'on était sensible à cette tendance-là. On avait le feeling que ce serait pas une mode qui allait passer de sitôt. Et puis, Marie-Chantal a mis tout ça en branle en tant que directrice artistique. C'est devenu notre série électro. Je pense qu'elle va nous en dire quelques mots. Oui, en fait, au tournant des années 2000, la technologie s'est beaucoup développée parce que, bien sûr, des instruments acoustiques avec des sonorités électroniques, ça existe depuis très longtemps. Mais donc, c'est devenu vraiment davantage une rencontre plutôt qu'un collage. Avant, c'était plus un collage. On superposait des sonorités électroniques avec des... Et moi, ça m'intéressait moins. Et quand j'ai vu qu'il y avait vraiment la possibilité, à cause des avancées technologiques, d'avoir une rencontre vraiment entre les différents médiums, là, je me suis dit, on embarque dans le train et puis on s'investit. Et peut-être ce qui nous caractérise, c'est qu'on s'est investi dans le long terme avec cette démarche-là. Et on a eu, dès le départ, l'envie de travailler cette formule-là avec des artistes, des compositeurs, mais qui étaient vraiment différents. Donc, on a travaillé tant avec des gens qui venaient vraiment plus de la composition instrumentale, qu'avec des gens qui venaient complètement de la pratique numérique, électronique. Donc, on pouvait travailler avec des compositeurs qui nous arrivaient avec des partitions notées là, d'une façon hyper précise et d'autres qui nous arrivaient avec en fait, des sketchs d'improvisation, mais des sonorités électroniques hyper développées, sophistiquées. Donc, c'était aussi de me permettre à ces gens-là, ces créateurs, de se rencontrer aussi et que ça devienne un terreau fertile, en fait. Vous étiez en quelque sorte assez visionnaire tout de même début des années 2000 dans toute cette émergence à l'époque des nouvelles technologies qui touchent la plupart des pratiques artistiques. Mais dites-moi, de Souffle et de machine, l'album l'a publié, lui, en 2016, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui animait cet album-là sur le plan un peu, sur le plan philosophique? Aïe, aïe, aïe, sur le plan philosophique, ça complique la donne. C'est un album qui contient quatre pièces, je dirais quatre pièces importantes dans notre répertoire. Et ici, on a vraiment quatre approches très, très différentes. On a par exemple André Hamel, qui est un compositeur bien connu, qui est un type qui écrit beaucoup pour les instruments, qui a une plume, disons, très classique, entre guillemets. Et il fait une pièce avec électro. C'est une pièce qui est vraiment structurée dans les assez classiques contemporains, je dirais. Ensuite, il y a Wolf Edwards, un vieil ami de Quasar qui vient de l'Ouest canadien. Et lui, c'est un punk anarchiste. Il n'y a aucune musique complètement décoiffée et décoiffante. Il n'y a pas beaucoup d'électro comme tel. C'est un drone qui plane tout le long. Et puis les saxophones, ben c'est la folie furieuse. Et deux autres approches, Pierre-Alexandre Tremblay, qui est un Québécois, mais qui vit en Angleterre. Il enseigne à Huddersfield. Lui, il est vraiment de la génération des gens qui il y a l'électronique en lui. Là. Ça fait que donc sa pièce, il utilise toutes sortes de feedback. C'est vraiment beau. Les Parleurs de la Lune, c'est très poétique aussi. Et puis Pedro Rebelo, qui est un Portugais, qui habite à Belfast. Oui. Et ben c'est une œuvre qui... Il n'y a pas beaucoup de vrais sons de saxophone, si je peux dire ainsi, mais c'est beaucoup de jeux de clés, mais c'est très, très, très efficace. C'est un traitement numérique et ben c'est une pièce à découvrir aussi. Hey Jean-Marc, on va justement faire découvrir cette dernière pièce réalisée par Pedro Rebelo. Pedro Ribello. Oui. Ça s'intitule comment? Exposure 4.1. Alors, on écoute ça.

Alors, c'est l'accroche-oreille qui se poursuit sur les ondes de CKRL 89.1. J'en profite pour vous rappeler que vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site l'accroche-oreille. Vous allez trouver ça assez facilement sur la toile. Cela dit, on poursuit l'échange entamé en première partie d'émission avec deux membres du Quatuor Quasar, un ensemble formé des quatre mêmes musiciens depuis sa fondation en 1994. Et j'ai nommé Marie-Chantal Leclerc, la directrice artistique, Mathieu Leclerc, André Leroux et Jean-Marc Bouchard. Alors, Quasar, le Quatuor, se définit comme un initiateur de création. Il collabore ou s'inspire depuis les tout débuts de compositeurs et de créateurs intéressés par la recherche, l'expérimentation et l'explosion de nouvelles sonorités. Je pense, entre autres, aux liens qu'ils ont tissés avec les années, avec Jean-François Laporte, Sonia Passoroca, avec lesquels ils ont réalisé une résidence récemment, Walter Boudreau, Gilles Tremblay et plusieurs autres. On a entendu jusqu'à maintenant quelques extraits de leur dernier album intitulé « De souffle et de machine ». C'est paru sur étiquette Actuel CD en 2016. Un album à grande valeur minimaliste, comme vous avez pu l'entendre. Une valeur que souligne le critique Elliot Wright du magazine The All Note. Et là, j'ouvre les guillemets, il dit ceci, c'est électronique qui... c'est l'esprit qu'imprègne tous les travaux de ce disque, dit-il, cet échafaudage électronique qui prend également la forme de longues sonorités de saxophones distillées en ondes de poux, est omniprésent mais discret. En écoutant De souffle et de machine, c'est comme être la seule personne éveillé dans un bus nocturne traversant une sombre forêt. C'est comme si la nuit inconsciente de votre présence se laissait bercer par les sonorités. Je referme les guillemets, c'est Elliot Wright du magazine The Old Note qui commentait l'album De souffle et de machine. Alors, une fort belle analogie. Donc, je vous propose qu'on poursuive cet entretien avec Marie-Chantal Leclerc et Jean-Marc Bouchard du Quatuor Quasar. Marie-Chantal, le Quatuor Quasar, un quatuor qui est intéressé dès le départ à la musique contemporaine, à l'expérimentation. Et là, on sent dans votre répertoire, dans vos tournées, une attention beaucoup plus forte maintenant pour ce qu'on appelle l'art sonore, l'expérimentation autour des sonorités de toute nature. Est-ce que je fais fausse route en disant cela? Non, pas du tout. Vous faites bonne route. En fait, il y a deux choses là-dedans, peut-être. Il y a le fait que, en fait, moi, j'essaie d'avoir de l'ouverture, d'être, en fait, à savoir qu'est-ce qui se passe. Et je m'intéresse à toutes sortes de mondes sonores. Et ce qui m'intéresse dans le choix de nos partenaires, les compositeurs, c'est pas tant, parfois, un courant esthétique très précis, mais plutôt quand je sens qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, qu'il y a une force, une voix forte. Et ces voix-là, elles peuvent s'exprimer de façon très différente les unes des autres. Et c'est à ça que je m'intéresse. Et il y a aussi le fait que à un certain moment, notre méthode de travail a évolué. C'est-à-dire qu'on travaille de plus en plus en laboratoire avec les compositeurs. Ça a commencé avec la série électro parce que les machines n'étaient pas trop fiables. Et donc, je me disais, il faut vraiment qu'on fasse attention, qu'on se donne du temps. Et puis, je me suis rendu compte que cette façon-là de travailler pouvait s'appliquer à toutes les démarches. Et donc, le fait qu'on passe beaucoup de temps avec les créateurs, les artistes sonores, les compositeurs, peu importe comment on les appelle, ça fait qu'on a du temps aussi. ça rend ça possible. Si j'appelle un compositeur, je lui dis, bon, tu m'écris une pièce de 10 minutes, tu m'envoies ça, on la joue. Bien là, il n'y en a pas d'espace pour que ces choses-là se passent. Mais si je dis à quelqu'un, bien viens, on a des séances, écris pas de notes de musique, viens nous rencontrer, écoute ce qu'on fait, demande-nous des choses, propose-nous des choses, on fait de l'improvisation, on fait toutes sortes de choses. Mais c'est dans ce temps-là que ces choses-là peuvent se développer et ça nous amène là. Marie-Chantal, Jean-Marc, vous êtes en résidence en compagnie de Sonia Passoroccia. On est dans un univers installatif. Quand vos instruments se mettent en branle, on a un environnement immersif aussi sur le plan sonore. J'aimerais vous entendre simplement sur ce projet d'expérimentation que vous faites avec Sonia. Bien, moi, j'ai eu un bel effet de surprise quand je suis rentré ici parce que toutes les plaques de métal qu'on voit ici devant nous étaient déjà toutes installées. Et j'ai trouvé ça très beau. Donc, j'avais l'impression de rentrer dans un musée. C'est très inspirant. Et puis là, on est à peu près à mi-chemin dans le travail de cette résidence-là. Et puis, ce qu'on voit, moi, ce que je commence à comprendre, c'est qu'il y a une forme qui va émerger de cette sculpture-là parce qu'on joue avec les instruments. On trouve les notes qui font résonner les plaques. Et puis, tout ça. Puis là, il y a quelque chose qui se construit. On a tout plein de petits bouts. Il y a une histoire qui est en train de se développer. Et c'est très intéressant. On est dans un monde vraiment de recherche. Sonia nous demande de jouer. Elle nous guide. Mais il reste qu'elle a le tour de nous mettre dans une situation où est-ce qu'on fait vraiment une recherche. Là. Et puis, tout à coup, il y a quelque chose qui pop. Et puis, des choses intéressantes se manifestent. C'est très intéressant. Oui, c'est fascinant. Puis c'est un privilège d'être ici parce que c'est sûr que nous, on a un local de pratique, là, mais non, ça rentre pas, vraiment pas. Et donc ça, c'est sûr que ça rend ça aussi possible. On parlait de ça, on évoquait ça tout à l'heure, qu'à un moment donné, ça prend un contexte. Et donc ça, ça nous permet vraiment de prendre le temps de s'installer, d'explorer. Et puis avec Sonia, moi, je suis très contente. J'avais vu ses installations, des pièces qu'elle a faites instrumentales. Pour moi, c'est une rencontre qui est vraiment fantastique. Et en fait, on est à mi-chemin. On a déjà ouvert un monde de possibles, puis en même temps, on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à développer. Donc, j'apprécie énormément le temps qu'on peut passer ici. C'est formidable. Oui, c'est extraordinaire. Je propose aux auditeurs ce soir qu'on écoute un extrait du résultat de ce travail de résidence. Qui s'intitule, qui a un titre très poétique aussi, « Ode au métal ». Donc, c'est vraiment le métal des... Oui, toutes ces plaques-là, parce que on parle de plaques de métal, mais Sonia nous a tout présenté ça. Il y a tel type d'aluminium, l'acier ordinaire, l'acier galvanisé, et elles ont toutes des propriétés différentes. Et qu'on mélange ça, en fait, l'ode au métal... Bien, les saxophones en métal, c'est le laiton qui rencontre l'aluminium, l'acier bleu, et en tout cas, c'est vraiment intéressant. Oui, tout à fait, un jeu à la fois de texture sonore et matérielle. Oui. Alors, on écoute cet extrait de performance intitulé « Ode au métal ». J'aimerais ça, Marie-Chantal et Jean-Marc, vous entendre un peu sur vos sources d'inspiration. Vous êtes des musiciens depuis de longues dates, issus de la musique contemporaine, je veux dire ça comme ça, de l'expérimentation sonore musicale. Qu'est-ce qui vous inspire à la fois musicalement, mais en général quand vous prenez vos instruments puis que vous commencez à vous frotter là au défi des heures qui passent avec vos instruments. Moi, j'aime beaucoup, on joue du saxophone, puis c'est vraiment, on est au cœur de la vibration. Nous, ça nous vibre dans la bouche, ça commence là. Et donc, j'aime beaucoup le rapport physique au son, quand ça vibre, et la rencontre vraiment des vibrations, des ondes sonores, les résultantes naturelles, tout ce qui est comme, j'aime beaucoup la physicalité, dans le fond, du son. Pour moi, c'est quelque chose qui est très incarné, pour moi, le son. Et nous, on est une source acoustique, donc ça m'inspire. Et puis, souvent, je vais voir Moi, j'aime que la musique me touche, et pas dans le sens romantique du terme ou fleur bleue, mais d'impact, d'une charge là, comme émotive, qu'on pourrait dire, mais sans rentrer dans la mièvrerie. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire. La musique, j'entends la musique comme une forme. C'est ça qui me fascine dans la musique. Quand on s'installe, on est comme quand on pratique, on construit une forme qui est dictée par les compositeurs avec lesquels on travaille, bien sûr. Mais pour moi, c'est ça. C'est une direction. On s'installe, on s'en va quelque part. Mais avant d'arriver à livrer l'œuvre pour vraiment suivre le chemin de l'œuvre puis aller à quelque part, bien, on est comme des artisans. Et on fait un solage, on installe des choses, le rythmique, on fait des détails, on travaille la matière, et puis à la fin, il résulte une forme. Il est aussi différente, soit-elle, d'un compositeur à l'autre, mais pour moi, c'est une forme, une direction, un aller, un devenir. On sent, en tout cas, que vous êtes animé d'un grand souffle. On va écouter un autre extrait de l'album de Souffle et de Machine, et on revient ensemble. Thank you. Marie-Chantal, Jean-Marc, pour compléter, terminer cette belle rencontre qu'on a ensemble, j'aimerais ça que vous me parliez des projets, de vos projets. Il y a cette résidence que vous faites avec Sonia qui va se terminer en quelques jours. Et par la suite, pour vous autres, vous reprenez la route, vous êtes en travail de répétition. Qu'est-ce qui se passe là dans les prochaines semaines? Les prochaines semaines, on prend la route, on s'en va jouer du répertoire d'un océan à l'autre. On fait le Canada de long en large. Et puis ensuite, on a un petit saut aux États-Unis aussi. Mais ce qui m'occupe et commence à me préoccuper de plus en plus, présentement, c'est un projet qui va avoir lieu au mois de septembre prochain. Et c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est moi qui l'ai initié. C'est la rencontre de Quasar, de Jean-François Laporte, un vieux collaborateur de Quasar, et puis de Jérôme Minière, qui est un chanteur pop, mais pas si pop que ça non plus. Et puis là, on a des... Parce que j'ai travaillé tout l'été passé avec Jérôme dans un contexte très particulier que je vous raconterai si on avait le temps. Mais enfin, on a appris à se connaître, puis on a eu beaucoup de plaisir, puis on s'est dit, faut qu'on fasse quelque chose ensemble. En apparence, nos univers sont très éloignés, mais notre défi, c'est de se laisser imprégner les uns des autres pour arriver à quelque chose qui serait... C'est-à-dire qu'on veut être transformé, que tout le monde soit transformé après cette rencontre-là, étant donné qu'on est tellement différents. Donc, c'est basé sur un travail où est-ce qu'on se rencontre ponctuellement et puis que ces rencontres-là sont faites spécialement pour qu'on soit perméable aux idées des autres. Nous, on va prendre de sa musique qui existe en partie, qu'on va adapter à notre manière de faire et puis lui, il va prendre des choses à nous qu'il va adapter à sa manière de faire. Donc, c'est pour nous, ça sera vraiment une nouvelle expérience puis probablement la rencontre avec un nouveau public aussi. Dans ce contexte-là, on travaille avec les escales improbables aussi. Donc, le concert va se faire dans un lieu très improbable qui est un stationnement qui est en train de se transformer en centre d'art. Mais c'est vraiment magnifique parce que sur le sixième étage, on voit les clochers de l'église derrière. Remarquez que je suis allé en plein hiver, là, mais ça va être un peu plus romantique en plein été quand on le fera. Donc, une nouvelle aventure pour moi qui m'intéresse énormément. Oui, bien, on s'est rendu compte, en fait, aussi avec Jérôme, c'est que, oui, on a des pratiques différentes, mais il y avait des thématiques qu'on s'est rendu compte qui nous rejoignaient. Jérôme a beaucoup travaillé par rapport à la présence du numérique, des technologies dans nos vies, tout ça. Et c'est pour ça que, finalement, on s'est entendu pour le titre du projet, c'est « Je ne suis pas un robot ». Alors, mais il y a aussi, en fait, avant ça, le résultat de... On va faire une première présentation d'Odo Metal au mois de juin à Montréal. Donc, ça va aussi nous tenir passablement occupés. Ouais, ben, Marie-Chantal, Jean-Marc du Quatuor Quasar, il y a vos collègues aussi, Mathieu, oui. Mathieu et André, qui sont membres aussi, je les salue. Et je prends vraiment le temps de vous remercier infiniment de m'avoir accordé ce beau moment avec vous deux. Ben merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. voilà ce qu'achève la croche-oreille sur cette belle composition de Pierre-Alexandre Tremblay intitulée « Les pâleurs de la lune » interprétée par le quatuor Quasar. C'est tiré de l'album « De souffle et de machine ». Mes remerciements chaleureux à Marie-Chantal et Jean-Marc. Salutations André et Mathieu du quatuor Quasar. Restez avec nous, c'est la web musique qui s'amène. Je suis de retour, quant à moi, la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL 89.1. Pour une autre aventure sonore, ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. La croche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.